Il y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Uniquement dans British Connection. Bonjour, je suis Yazid Manou et vous écoutez British Connection. Alors c'est génial parce que j'ai donc, si on m'a bien expliqué, carte blanche pour vous parler de mon héros, Jimi Hendrix. Par quoi commencer ? Mon parcours peut-être. Je suis fan de Jimi depuis que je l'ai entendu la première fois. C'était à la télévision en 77, ça fait déjà un sacré bout de temps. Et j'ai totalement craqué quand j'ai reçu à mon anniversaire, la même année, le chef-d'œuvre Electric Ladyland. En gros, de 77 à 90, seuls mes parents et quelques amis étaient au courant de ma passion. Et les choses se sont accélérées quand, en 1990, j'ai décidé de commémorer les 20 ans de la disparition d'Hendrix. Voilà. Donc pour vous la faire courte, je me suis associé avec deux personnes, Alex Calin et Luc Pertige, et nous avons organisé le plus grand événement dans le monde pour les 20 ans de la mort de Jimi, avec des expos photos dans toutes les FNAC à Paris. Il y a eu des projections de films au Max Linder, toujours à Paris. Et le clou de la manifestation était un concert à l'Olympia le 15 septembre 90 où 11 formations ont repris Hendrix pendant près de 4 heures, et parmi lesquelles Noel Redding, le bassiste de Jimi, Randy California du groupe Spirit qui avait 15 ans quand il a joué avec Jimi, et puis pour les artistes français entre autres Axel Bauer, Paul Persson, Louis Bertignac. Voilà. Et le fait d'avoir réussi cet événement m'a propulsé en tant que référent pour les médias concernant Jimi Hendrix. Et je suis devenu, grâce à cette organisation attaché de presse, indépendant. Donc je m'occupe d'artistes depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà. Et la raison pour laquelle je suis sur British Connection, c'est pour vous parler d'une BD qui est sortie sur Jimi Hendrix. C'est la première fois que j'écris un livre. J'ai fait pas mal d'articles, je réponds à des interviews, je fais des émissions de télé. Enfin bon, je participe et je réponds aux questions qu'on me pose. Mais jusqu'à présent, j'avais jamais écrit de livre. Et la proposition m'a été donnée au printemps par l'éditeur Petit à Petit, qui est un éditeur de BD qui se trouve à Rouen, et j'ai accepté la proposition. Voilà. Je vous adresse un premier titre, parce que moi je n'oublie pas une chose, c'est que Jimi Hendrix est avant tout, quoi qu'on en dise, un bluesman, et je veux vous faire écouter Red House, qui est le blues parfait, extrait de l'album Are You Experience, premier LP de Jimi Hendrix sorti en mai 67. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Thank you. Si on parle beaucoup de Jimi Hendrix en ce moment, c'est parce que les fans du monde entier commémorent en ce mois de novembre le 80e anniversaire de sa naissance, puisque Jimi est né le 27 novembre 1942 à 10h15, heure de Seattle, dans l'état de Washington. Et le livre dont je m'occupe, le livre que j'ai eu la chance d'écrire, donc sorti chez Petit à Petit, est une BD qui a la particularité, c'est un peu la collection, le principe de la collection de l'éditeur, d'être dessinée par un collectif de dessinateurs. Donc, sur ce qui concerne Hendrix, ils sont 27. Et je tiens à préciser que ce livre est en fait une réédition. Il est sorti déjà en 2010, mais à l'époque, je n'y participais pas. Et cette année, j'ai donc accepté leur proposition. Quand ils m'ont demandé de participer, c'est qu'ils rééditaient le livre de Jimi, mais cette fois accompagné de textes documentaires, comme tous leurs livres qui sortent dans la collection musique. Donc j'ai écrit, rédigé 42 pages de la biographie de Jimi, en tenant compte évidemment des dessins qui avaient été faits il y a une dizaine d'années. Et il fallait donc coller au texte. Il n'était pas question de parler par exemple du concert de Woodstock, quand les dessins en étaient encore au festival de Montreuil. Voilà. Ça m'a pris environ un mois de rédiger les textes et un peu plus longtemps sur les corrections parce qu'il a fallu que je m'applique et surtout que je fasse des corrections qui étaient nécessaires sur les bulles qui avaient été faites il y a 10 ans. Voilà. Et donc je pense que c'est une expérience intéressante, ludique, pratique et en tout cas différente de pouvoir découvrir la vie d'un artiste avec d'un côté des dessins, les textes des bulles et le texte documentaire qui accompagne les dessins. Donc comme je disais, les textes sont intercalés entre les dessins, donc les gens peuvent lire comme ils veulent, ou ils lisent effectivement tout d'une traite, ou ils lisent d'abord les textes, ou ils reviennent sur les dessins. C'est selon la volonté de chacun. Voilà. Et par quoi je voulais non pas terminer, puisque j'ai encore deux morceaux à vous faire écouter. Il y a un titre que j'apprécie particulièrement. Il y en a tellement, tellement sur Hendrix. De toute façon, il faut bien faire des choix. Et il y a toujours un petit regret quand Prince est décédé. J'ai jamais eu la chance, malheureusement, de pouvoir le rencontrer ou de lui parler directement. Mais Prince a toujours dit qu'il était plutôt fan de Santana, alors que tout chez lui montrait qu'il avait craqué sur Hendrix, mais il était délicat à ce niveau-là. Et si j'avais pu lui poser une question, c'était qu'il puisse reprendre le morceau Wait Until Tomorrow, que je vous fais écouter maintenant. Wait Until Tomorrow de l'album Axis, Paul Breslow. British Connection, just rock. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. I've got my ladder leaned up against your wall. Tonight's the night we plan to run away together. Come on, dolly me, there's no time to stall. But now you're telling me. Talk to this girl a little bit. Oh, dolly man. shot for me. And I hear you say, as I fade away, exclusivité British Connection. Le livre Jimi Hendrix en BD reprend toute la vie de Jimi, donc de sa naissance à Seattle le 27 novembre 1942 jusqu'à sa disparition à Londres le 18 septembre 1970. Et la liberté que j'ai eue en rédigeant les textes, tout évidemment en restant synchro avec les dessins, c'est que je pouvais profiter de mon savoir et de donner des informations en plus, des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, de rectifier certaines erreurs. Bref, j'ai vraiment eu toute la liberté possible et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et je vous prends un exemple. Si on s'attarde sur la partie Jimi Hendrix et la France, là, j'ai eu... le plaisir de pouvoir expliquer les choses de façon très précise, parce qu'elles ont souvent été déformées quand les gens essaient de résumer un peu les liens qu'il y avait entre Jimi et la France. Alors c'est vrai, et respect à lui, que les premiers concerts au monde de l'expérience sont dus à notre idole française, Johnny Hallyday, qui a découvert le prodige dans un club londonien le 29 septembre 1966, et lui a donc demandé s'il était prêt à faire une mini-tournée avec lui, qui devait démarrer le 13 octobre et se terminer le 18 octobre. Donc en effet, c'est toujours important de préciser que les premiers concerts au monde de l'expérience se sont effectués en France, le 13 octobre à Évreux, le 14 octobre à Nancy, le 15 octobre à Villerupt, et pour terminer, le 18 octobre à l'Olympia. Et ce concert de l'Olympia, enfin ce concert, Jimi faisait donc la première partie, il était autorisé à jouer environ 10 minutes, et sa prestation a été enregistrée par l'émission Musicorama d'Europe numéro 1. Donc il a joué Killing Floor, Hey Joe, et il a terminé par Wild Thing, le grand morceau des Troggs. Et ça m'a permis de pouvoir rectifier des choses que notre grand Johnny Hallyday avait coutume de dire, parce que il disait qu'il était proche de Jimi, qu'il avait été son ami, que Jimi dormait chez lui, qu'il dormait chez Jimi. Enfin bon, tout ça évidemment totalement invérifiable et un peu délirant. Par contre, une chose est sûre, c'est que on a souvent raconté que Jimi avait joué Hey Joe avec Johnny Hallyday. Non, ce n'est pas vrai. Et Johnny l'a effectivement confirmé avant sa disparition. Il n'a jamais joué Hey Joe avec Jimi. Et pour terminer cet entretien sur British Connection, je voulais terminer avec un morceau plutôt jazzy qu'on trouve dans l'album Electric Ladyland qui s'appelle Rainy Day, Dream Away. Bye bye. Hey man, take a look out the window, see what nice with everything. We'll get into something real nice, you know. La musique est trop forte, c'est parce que t'es trop vieux. Violence Femmes en British Connection, du punk folk américain. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Si la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est leur premier LP, il s'appelle Moondrag Hic Sun Moonjuggers. La chanson The Hangman parle d'un type qui est sur l'échafaud et on ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Et ça, ce sera à vous de le décider. Bonne écoute avec The Hangman.